Bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode du podcast pour les créateurs d'entreprises, le Box Kit. Alors cette semaine, nous allons poser des questions sur la motivation à Mathias Moribaud, des questions sur la société à 1 euro, pourquoi la créer, pourquoi ne pas la créer, pourquoi ne pas se tromper sur ce qu'est la société à 1 euro. Et enfin, nous parlerons des États-Unis avec Benjamin Canet qui est à New York et nous pourrons comparer la France et les États-Unis. Alors tout de suite, on va commencer avec la motivation. Mathias Moribaud, vous êtes conseiller en stratégie, vous conseillez de jeunes entreprises qui viennent d'être créées ou qui vont se créer. Et la question de la motivation, ça arrive assez rapidement parce que quand on est créateur, quand on est seul surtout, mais même quand on est deux, on arrive souvent à un moment à travailler et ne pas voir de résultats pendant très longtemps. Ça pose évidemment un problème parce que quand on est tout seul, on n'a pas la motivation qui nous vient de l'esprit d'équipe, du travail d'équipe. Et quand on est tout seul, on n'a personne autour de nous pour nous encourager, personne avec qui discuter, personne avec qui échanger pour faire avancer un projet. Alors, une solution, c'est peut-être ce qu'on pourrait appeler les victoires d'étape, c'est-à-dire se donner quelque chose qu'on peut faire en une journée, en une après-midi, en une heure peut-être même, et avec ça, pouvoir se dire au bout d'une heure ou de quelques heures, voilà, j'ai réussi quelque chose, j'ai fait quelque chose de positif, ça a fait avancer ma société, ça a fait avancer mon projet. Et c'est l'un des moyens qu'on a peut-être pour se motiver, je ne sais pas ce que vous en pensez. Sans paraphraser ce que vous avez dit, c'est néanmoins dans la vision qu'on va avoir d'une tâche accomplie. C'est-à-dire qu'il faut être capable de jongler entre des tâches à très court terme, des tâches à court terme, des tâches à moyen terme, des tâches à long terme, pour être capable de jongler parmi les objectifs. Et c'est vrai qu'une journée réussie, une journée où on va puiser des sources de motivation, sont celles qui réussissent à équilibrer l'ensemble. C'est-à-dire où on va sur les trois tableaux avoir réussi à abattre un peu de travail besogneux, pas forcément très excitant, où on va avoir réussi à lancer deux, trois pistes. Il n'y a rien de plus génial que le mail pour ça, hein. Réussir à lancer deux, trois pistes sur des projets à moyen ou long terme, et avoir un petit peu consacré du temps à une vision stratégique globale. Ça, c'est véritablement l'exemple type d'une journée réussie pour un entrepreneur. Et le mail, en ça, est effectivement un très, très bon outil parce que une idée qui vous passe, vous pouvez immédiatement envoyer un mail pour lancer un pavé dans la mare. Charge à vous de voir si la vague revient. Je vais vous donner un exemple très précis. Là, vendredi, je suis, comme vous le savez, en train de préparer une nouvelle augmentation de capital et j'ai très à cœur de commencer de mettre un pied dans certains pays francophones que j'estime avoir une culture entrepreneuriale plus forte que nous l'avons en France. Et j'en veux pour exemple, j'ai donc envoyé un mail à un club de business angel bruxellois à 10h10 vendredi matin. À 10h14, j'avais une réponse de leur part et à 10h18, je finalisais par téléphone un rendez-vous pour la mi-avril. Bah, c'est tout à fait enthousiasmant. C'était une authentique source de motivation. J'avais lancé un pavé dans la mare en envoyant ce mail en disant tiens, c'est bien, ce serait génial que dans la prochaine levée de fonds, il y ait des francophones qui puissent amener leur culture, leur lecture des projets et un pied à l'international. Et voir les choses se concrétiser tout de suite, ça, c'est une formidable source de motivation. C'est Léonard de Vinci hein, qui travaillait comme ça. Il faut en lancer 99 pour en avoir une qui retombe. Et qui soit la bonne et qui soit celle à laquelle on se rattache et qui soit véritablement un levier pour tout le reste. C'est-à-dire que là, on renverse un peu les choses. On pourrait dire d'un côté, c'est vrai, on est tout seul, donc c'est beaucoup plus dur d'être motivé. Mais en même temps, c'est bien de moi-même que vient la source de ma motivation. Et donc, au final, le fait que je sois tout seul est peut-être plutôt une chance qu'un problème pour apprendre à me motiver sans attendre de l'extérieur, sans attendre de l'aide, sans attendre de mon équipe, les sources de ma motivation, les sources du plaisir que j'ai à avancer et à réussir. La motivation est surtout liée à une capacité d'autosatisfaction. C'est-à-dire que voir la vie de manière négative, ça, c'est à la portée de tout le monde. Voir dans la moindre bonne nouvelle un authentique espoir de développement de la société tout entière, mais même dans une bonne nouvelle ponctuelle ou administrative, ça, c'est vraiment un caractère à part entière et c'est un trait commun qu'on retrouve chez beaucoup de créateurs d'entreprises. Merci Mathias Moribaud et la question la semaine prochaine portera sur la limite entre l'auto-aveuglement et la motivation. Les conseilleurs sont les payeurs. Cette semaine, analyse la question des business angels du point de vue des risques qu'ils prennent, puisque la plupart des sociétés qu'ils soutiennent se soldent souvent par un échec et donc pour le business angel par une perte. Sur 10 projets, il y a un projet qui est un projet tout à fait exceptionnel dans lequel le business angel va avoir ce qu'on va appeler un jackpot et une sortie tout à fait exceptionnelle. Il y aura 3 projets sur lesquels il arrivera à équilibrer et peut-être sortir une petite plus-value, mais il faut considérer que les 6 projets restants sont des échecs totaux sur lesquels le business angel aura perdu toute sa mise. Il y a donc un très grand risque à investir dans une société qui démarre. Mais il faut reconnaître qu'en France, il y a encore moins par rapport à l'ensemble de la population de business angels que dans d'autres pays comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis. Les business angels en France, c'est une activité qui est tout à fait marginale. Il y a relativement peu de business angels par rapport à d'autres territoires. Et je dirais que l'incitation, il faut le rappeler quand même, pour un business angel, est une incitation également fiscale. Un pourcentage des investissements qu'il fait dans les entreprises est déductible de son impôt, ce qui est une chose qui est intéressante, qui n'est pas assez connue. Donc il y a un effort à faire pour convaincre certaines personnes de rentrer dans le monde des business angels, mais on ne supprimera pas le fait que par rapport à d'autres investissements, l'investissement en tant que business angel, et je le rappelais tout à l'heure, est un investissement qui n'est pas assuré et sur lequel il y a un risque relativement important. Michel Warter, merci. Question à une experte cette semaine se penchera sur la société à 1 euro. On en a beaucoup parlé pour en dire du bien, pour en dire du mal. Il n'est pas forcément clair pour tout le monde que, évidemment, ce n'est pas parce qu'on a 1 euro qu'on peut créer une société. Et je voulais demander à Marie-Christine Lampert-Laurence, qui est experte comptable au cabinet L3 Conseil, quel est le sens exact de la société à 1 euro? Autrement dit, quelles sont les bonnes et quelles sont les mauvaises raisons de créer une société avec un capital de départ aussi faible? Alors, je pense que les dispositions et la loi sur l'initiative économique qui avait été instituée en 2003 avaient principalement pour but de créer justement un élan et une dynamique en proposant et en rendant possible la création d'une société sans capital, donc finalement avec un capital réduit à 1 euro ou en tout cas à une image de capital puisque finalement 1 euro ou rien c'est pareil. Et le capital est normalement la garantie des tiers lorsque l'on traite avec l'entreprise. En fait, cette possibilité qui a été offerte aux créateurs donc de se lancer avec un capital d'un euro, elle était surtout une démarche de publicité et d'image, puisqu'on sait bien sûr que se lancer dans une activité avec rien, avec un euro ou sans argent de côté, c'est impossible, puisque ne serait-ce que pour la constitution de la société, il y a des frais qui vont très vite s'élever à environ 1500 euros. Donc de toute façon, cette idée de monter une société sans argent, elle est vouée à l'échec. On sait bien que c'est une pure image. Mais par contre, c'est important de créer cette dynamique et de décoincer un petit peu la France parce que beaucoup de gens s'imaginent que c'est très difficile de créer une société et de se lancer dans une activité que l'on crée. Or, ben c'est possible. Voilà. Marie-Christine Lampert-Laurence, merci. La semaine prochaine, question à une experte expliquera ce que c'est la mission Jeunes Entreprises. Outre-Atlantique, avec Benjamin Canet, comparera cette semaine la France et les États-Unis. En France, on a quand même des tas de grandes écoles, on a des universités d'un très bon niveau. On est toujours réputé pour les ingénieurs qu'on produit, qui sont toujours des têtes bien faites. Et pourtant, tellement de gens partent aux États-Unis, tellement de gens partent dans d'autres pays comme l'Irlande, l'Allemagne, l'Italie, qu'on peut se demander finalement, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes en France, ou en tout cas, est-ce qu'on ne pourrait pas apprendre quelque chose des États-Unis? Et donc cette semaine, nous allons comparer la France et les États-Unis sur quelques points, notamment l'investissement. Alors, Benjamin, pourquoi est-ce qu'aux États-Unis, les choses se passent mieux qu'en France? C'est vrai qu'en France, on se pose souvent cette question, c'est-à-dire pourquoi chez nous ça marche moins bien qu'aux États-Unis. Bon, d'abord, c'est une question aux États-Unis que les gens ne se posent pas parce que ça marche bien chez eux. Donc, ils ne se posent pas la question pourquoi chez nous ça marche et chez les autres ça marche pas. Mais c'est vrai que moi, en vivant aux États-Unis, je me suis posé cette question. Alors, la première réponse qu'on se dit, on se dit, ah, il y a une mentalité américaine de développement, de conquête. Et moi, je crois que, bon, d'abord, il y a un environnement macroéconomique aux États-Unis qui est favorable au niveau de la croissance, parce que quand vous lancez votre entreprise aux États-Unis, bah c'est vrai que quand il y a une croissance à 4% plutôt que 2% en France, bah c'est plus motivant. En tout cas, vous vous dites que votre produit, s'il est bon, va se vendre parce qu'il y a un pouvoir d'achat qui est important. Et puis aussi, la taille du marché américain. C'est un marché qui est beaucoup plus important, bien sûr, que le marché français, et dans lequel il y a des segments de population très divers. Donc, si vous avez des produits qui sont intéressants pour un groupe, et bien, il y en a d'autres qui pourraient être intéressés. Donc, je pense qu'il y a une question de taille aussi. Maintenant, au niveau des financements, je crois que c'est un sujet sur lequel beaucoup d'observateurs reviennent, et je pense qu'ils ont raison. Aux États-Unis, les financements sont quand même assez importants et assez divers. Et je travaille pour une banque française ici, donc je vois bien la différence entre les banquiers de New York, même de cette banque française, et des banquiers français qui sont en France. Les banquiers américains sont beaucoup plus agressifs en proposant tout de suite des prêts plus importants, en proposant aussi des structures plus créatives, en proposant aussi des taux inférieurs s'ils croient vraiment au projet. Donc je pense qu'il y a une question de financement. Je me souviens de quelqu'un qui travaille pour un fonds de private equity qui était désespéré de trouver des projets et de financer des projets, qui demandait à peu près tous les gens entre 25 et 30 ans, des jeunes professionnels, et il pensait que ces jeunes professionnels avaient une capacité d'entreprendre. Il leur demandait systématiquement, si j'ai 100 000, 1 million de dollars, est-ce que tu as une idée à développer? Parce que moi, je recherche un maximum de bons projets. Et ça, c'est vrai qu'il y a énormément de particuliers comme ça qui ont des fortunes ou qui ont tout simplement, qui veulent investir de l'argent et qui sont avides de projets. Parce qu'aujourd'hui, sur la place financière, notamment à Wall Street, il y a énormément de fonds, énormément de private equity funds, énormément de venture capitalistes. Et c'est vrai qu'il y a une concurrence assez importante pour trouver des bons projets. Donc, ces entrepreneurs de la finance, on va dire, essayent de trouver un maximum de projets à financer, quitte à essayer de dénicher et motiver des jeunes qui pourraient penser à entreprendre et leur donner tout de suite, quand on parle d'un million ou même plus, 2 millions de dollars pour commencer, pour un premier tour de table, c'est suffisant. Merci beaucoup, Benjamin Canet. La semaine prochaine, nous nous attarderons sur les nouvelles technologies aux États-Unis. Voilà, le Box Kit, le podcast pour les créateurs d'entreprises, c'est terminé pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas si vous avez des demandes, des gens à interviewer, des questions particulières pour certains types de professionnels. boxkit@gmail.com. À la semaine prochaine.